Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Mon corps est un temple, conseil du Moyen-Âge, pour être le plus beau des jouvenceaux, la plus belle des jouvencelles. Il faut le dire et le redire, le répéter sans cesse. Non, non, nos ancêtres médiévaux n'étaient pas des gens sales. Non, ils n'étaient pas ignares dans l'art de prendre soin de soi. Ils avaient tout intérêt d'ailleurs à prendre soin de leur corps avant que la maladie ne se déclare, tout intérêt aussi à être de bonne humeur. Bon, malgré tout, après une grande chevauchée dans les bois, rien de tel qu'un petit bain. Robin Longstrand, un nom saxon fort commun, mais somme toute assez noble. Donc, vous dînerez avec nous. Mais avant cela, prenez un bain. J'ai sorti quelques vêtements appartenant à mon mari. J'espère que ça ne vous est pas trop désagréable. Madame. Il faudrait qu'on m'aide pour la Côte de Maille. Robin des Bois, le film de Ridley Scott en 2010 avec Russell Crowe qui est Robin des Bois et qui prend un bain. Bonjour Marilyn Nicou. Bonjour Xavier Mauduit. Alors, prenez des bains Robin des Bois? Bah manifestement, oui, si l'on en croit Ridley Scott. Et effectivement, on prenait des bains de temps en temps. Hein. Ce n'était pas automatiquement une activité quotidienne. Dans cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui, prendre soin de soi au Moyen-Âge, je l'évoquais pour ouvrir cette émission. Mais oui, c'est même une nécessité pour éviter la maladie. On sait combien il est difficile de se débarrasser d'une maladie. Donc, tout faire pour ne pas qu'elle arrive, bah, c'est la base de tout. C'est surtout la base, effectivement, de la médecine médiévale et de la médecine antique. Et c'est aussi un souci de soi qui se manifeste en particulier dans les élites sociales. Donc, effectivement, la médecine avait conscience au Moyen-Âge qu'elle ne pouvait pas tout guérir ou que certaines thérapies pouvaient être dangereuses. Et donc, mieux vaut, comme le dit l'adage, prévenir que guérir. Et donc, effectivement, ça a donné lieu à toute une littérature liée à la conservation de soi et au souci de prévention de la santé. Oui, parce que les sources là sont nombreuses. Vous êtes la spécialiste, Marilyn Nicou, de ces questions-là, de soins de soi, souffrir, soigner, guérir les patients et leurs médecins au Moyen-Âge. C'est un ouvrage que vous avez dirigé. Le soin de soi apparaît à quels endroits dans les sources? À quel type de sources? La littérature, mais pas seulement. Il y a vraiment des ouvrages de conseils pour éviter la maladie. Tout à fait. En fait, il y existe toute une littérature médicale qui, à partir du début du XIVe siècle, a pris le titre un peu générique de régime de santé, hein, de l'ordre du gouvernement, du guide de la santé, et qui est une littérature rédigée par des médecins, en fait, souvent à la demande de patients ou pour se recommander de patients importants, hein, de façon, dans le cas d'une sorte de patronage. Et cette littérature de santé délivre des conseils qui sont des conseils d'hygiène de vie, une manière de se gouverner de toutes les activités quotidiennes du corps, des pratiques de santé. Ça concerne un ensemble de paramètres qui font l'objet de conseils médicaux. Avec quand même des notions à définir, la notion de santé que nous avons aujourd'hui est-elle celle que pouvaient avoir nos ancêtres du Moyen-Âge ? À certains égards, oui, parce que la notion de santé telle qu'elle est définie aujourd'hui par l'OMS, c'est pas simplement la santé dans le silence des organes, c'est-à-dire l'absence totale de maladie, c'est aussi une notion de bien-être, aussi une notion de santé, de bon état, même d'état d'esprit également qui va avec. Donc c'est une conception un petit peu holistique en fait hein, de la santé, et ça rejoint à certains égards la conception que pouvait avoir les médecins de l'Antiquité et du Moyen-Âge autour d'un ensemble de facteurs qui peuvent influencer la santé, qui ne sont pas uniquement l'absence de maladie. Holistique au sens où ça concerne tout, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut rien laisser de côté, l'environnement, ce que l'on mange, là où l'on se trouve. Tout doit être pris en compte pour être bien, être en bonne santé. Exactement. C'est en fait une conception qui prend en compte le milieu dans lequel on vit, les saisons, le climat, les régions, mais également l'activité que vous menez, des paramètres d'ordre physiologique, votre sexe, votre âge également, et puis un ensemble d'autres facteurs que sont effectivement les bains, justement, on en a parlé tout à l'heure, l'activité sexuelle, la saignée préventive, l'alimentation consommation de la boisson dont vous avez parlé, l'air que l'on respire, tout cela fait partie d'un ensemble de facteurs qui sont qualifiés de choses non naturelles, parce qu'elles se distinguent des choses naturelles que sont la physiologie, tous les éléments du corps humain, et les choses contre nature que sont les maladies. Mais qu'en est-il du corps humain ? Parce que je peux vous poser la même question que pour la santé. Donc la santé, d'accord, on peut trouver des similitudes entre notre conception de la santé et la conception de la santé au Moyen-Âge, mais le corps, est-il perçu de la même manière ? Alors sans doute pas, puisque de toute façon on n'avait pas du tout les mêmes connaissances, on n'a pas d'imagerie médicale bien sûr, donc la connaissance notamment de l'intérieur du corps est beaucoup plus, est assez différente en fait, évidemment de celle que l'on a eue avec l'avènement aussi de la médecine clinique, hein, à partir des 18e ou 19e siècle, donc les connaissances médicales sont différentes, elles renvoient à une cosmologie, c'est-à-dire un rapport entre l'homme justement et le milieu naturel, les quatre qualités premières de froid, de chaud, de sec et d'humide qui constituent en fait le corps humain, qui constituent les fluides corporels, hein, que sont les humeurs qui circulent dans le corps et qui définissent l'état de santé de chaque individu. Mais ce qui est intéressant, c'est dans cette conception, c'est que l'état de santé de chaque individu n'est pas une donnée stable. Hein, c'est quelque chose d'instable qui va varier donc en fonction de l'âge, qui va varier en fonction des activités que l'on peut mener, de l'alimentation que l'on peut manger. Et donc tout cela nécessite une régulation à cause de cet état instable et toujours menacé par de possibles pathologies. C'est-à-dire que l'homme serait plutôt sec et plutôt chaud, mais en vieillissant, il va se refroidir un peu. Alors non seulement il va se refroidir et puis il va devenir encore plus sec qu'il ne l'était, puisque ce qu'on utilise souvent, certains auteurs médiévaux utilisent la métaphore en fait de la lampe. La fin de la vie, c'est l'extinction de la lampe. Quand l'humidité radicale, qui est l'humidité de la naissance, hein, qui était nécessaire à la croissance, disparaît progressivement, elle ne peut pas être régénérée par l'alimentation. Et l'extinction de cette humidité radicale éteint la chaleur, c'est-à-dire la lampe. Et c'est la fin de la vie. C'est une jolie métaphore. Avec ici l'humidité, on l'a évoqué, il y a ces bains, il y a cette humidité originelle. L'eau est omniprésente dans ce discours médical. L'eau est omniprésente parce qu'effectivement, elle constitue déjà un des quatre éléments naturels. Donc elle constitue aussi, elle est présente quelque part dans le corps humain à travers les qualités de froid et d'humide. Et puis elle est présente dans l'environnement, elle est présente dans la diététique, elle est présente aussi dans la thérapie, puisque les bains peuvent aussi être considérés comme une activité thérapeutique. Et puis c'est une aide également à la digestion, donc ça joue un rôle important en matière de conservation de santé et en matière aussi de thérapie. L'eau que l'on boit, alors celle-là, comment est-elle perçue ? Pas trop bien. mieux vaut la tempérer avec un petit peu de vin en règle générale. Donc l'eau est rarement considérée comme ou conseillée, disons, pour être bue toute seule. Hein. C'est relativement rare parce qu'on sait aussi que les eaux pouvaient être dans un certain nombre de cas polluées. La régulation de l'eau est quelque chose de difficile, notamment en milieu urbain. Donc on consomme dans l'ensemble peu d'eau. Mais il y a quelques eaux qui se boivent comme eau thérapeutique à la fin du Moyen-Âge. Ce sont des eaux minérales. En particulier, il y a une station en Italie chère à Didier Boisseuil, Poretta, près de Bologne, qui est une eau qui se boit à la fin du Moyen-Âge, au 15e siècle. C'est-à-dire qu'il y a tout un système d'eau thermale, mais là aussi, c'est un héritage de l'Antiquité. Les Romains, déjà, affectionnaient ces stations. Alors les Romains, effectivement, plus que les Grecs, hein, effectivement, affectionnaient des stations thermales, alors avec tout le problème de la polysémie, hein, du mot de terme. Donc il s'agit là d'eau minérale et qui sont souvent chaudes. Et effectivement, on a connaissance, aussi bien dans la péninsule ibérique qu'en Italie ou encore en Grèce, de sites thermaux avec des eaux minérales qui étaient utilisées à des fins thérapeutiques. La petite différence avec l'Antiquité, c'est que dans l'ensemble, le discours médical antique est plutôt critique à l'égard des eaux minérales et s'en méfie, préférant notamment des traitements à base d'eau froide, alors que le thermalisme médiéval va s'accompagner d'un discours médical visant à réguler et en quelque sorte à médicaliser l'usage de ces eaux minérales. Y a-t-il une grande différence entre la conception du soin du corps de l'Antiquité et puis du Moyen-Âge ? Alors, c'est toujours la même chose, hein, cette rupture est une rupture souvent symbolique entre le Moyen-Âge et l'Antiquité. Il y a ces longues continuités de pratiques. On voit cet héritage comme une évidence ? Oui et non, c'est-à-dire en fait effectivement il y a une rupture parce qu'il y a aussi une rupture des sources hein, dans le non pas au sens au sens des eaux mais au sens des sources sur lesquelles travaille l'historien dans le haut Moyen Âge. Donc on a les maintiens par exemple, on parlait tout à l'heure de pratiques thermales ou de pratiques de bain. Il y a des formes de continuité même si elles sont sans doute plus réduites que évidemment la sociabilité que représentaient les thermes dans les toutes cités qui dignes de ce nom dans l'Antiquité est une cité avec des établissements de bains, et parfois plusieurs. Hein. On en a l'exemple évidemment à Rome, mais même dans d'autres villes de l'Empire. Donc ces bains progressivement disparaissent, on voit bien qu'ils ne sont plus en activité, mais il y a d'autres formes de lieux de bains, notamment dans certains monastères, pour des activités charitables, et on a dans des sources littéraires aussi des traces de ces maintiens d'activités de bains. Mais c'est vrai qu'on n'a plus du tout l'équivalent de ce que l'on pouvait avoir dans l'Antiquité, à la fois de régulation de la santé et une notion d'hygiène, et puis une sociabilité des bains. Le Moyen-Âge, de ce point de vue-là, s'est transformé avec les étuves. Oui, parce que là, nous sommes dans un autre monde avec ces termes qui existent. Toujours, ils sont là. Enfin, que ce soit à Paris aujourd'hui, c'est Cluny. Que ce soit à Rome, on voit bien. Mais ce n'est plus le même usage. C'est-à-dire que ça y est, on a des bâtiments qui ne fonctionnent plus comme auparavant avec tout ce système extrêmement complexe hein, pour avoir de l'eau chaude et pour avoir de la vapeur. Tout à fait. Donc les établissements, d'ailleurs, ce qu'on peut voir dans certains espaces, comme dans l'espace ibérique en particulier, qui a été étudié relativement récemment, on s'aperçoit que ces grands établissements sont souvent occupés par d'autres activités artisanales, des nécropoles. Donc il y a des transformations hein, de ces ruines qui sont effectivement encore visibles, mais qui n'ont plus du tout les activités qui étaient les leurs, on va dire, autour de l'époque impériale, puisque que c'est le grand moment en fait hein, d'essor des thermes et qui va durer en gros hein, jusqu'au 6e, 7e siècle et puis progressivement disparaître dans ces activités-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'étuve. Alors vous avez utilisé ce mot-là parce que cette étuve, nous l'associons pas à l'Antiquité. La notion d'étuve, nous l'associons au Moyen-Âge. L'histoire à Montmuran, ce ne sont pas que des hommes. La visite du château réserve une surprise unique en France. Il s'agit d'une étuve construite au Moyen-Âge. Ici, nous nous trouvons dans la partie technique du sauna. Imaginez un foyer, aussi profond qu'un four à pain que l'on bourre de fagots de bois. Au-dessus du four, un plancher très épais en pierre qui dégage sa chaleur dans une pièce. Le feu, dans le même temps, chauffe de l'eau dans de grandes bassines. Cette eau est versée dans une conduite qui va traverser le mur et qui ressort ici, dans l'étuve. Du fait de la température ambiante très élevée, l'eau se transforme en vapeur et envahit cette petite pièce dans laquelle Jeanne de Laval aimait, paraît-il, à se rendre. Astucieux, n'est-ce pas ? Astucieux, oui, parce que comme ça, nous avons notre petit sauna à domicile dans le château de Montmuran. Ça se trouve en Bretagne, c'est pas loin de Rennes. C'est présenté en 1984 dans le journal Rennes Soir. Marie Nicou, mais que sont ces étuves ? Alors là, c'est une étuve liée à un château. C'est un phénomène très répandu au Moyen-Âge ? Oui, il y a quand même beaucoup d'étuves, notamment à partir des 13e siècle, 14e siècle. Ensuite, ça disparaîtra progressivement, mais les étuves sont un phénomène urbain important. Je crois qu'il y a presque une trentaine d'étuves à Paris au tout début du 14e siècle. Donc, ça appartient à des particuliers hein, qui ont des établissements qu'ils ouvrent à une clientèle. Il peut y avoir aussi des étuves privées. Et ce sont effectivement des lieux à la fois de sociabilité, ce sont des endroits où on peut prendre effectivement des bains de vapeur, hein, comme ça a été expliqué dans le documentaire, et on peut également s'y baigner. Donc on a quelques représentations et quelques enluminures, mais qui souvent représentent un autre versant des étuves, qui n'est pas tant le versant d'hygiène que le versant liberté sexuelle, si je vous me permettez cette expression. Voilà, et là historienne que vous êtes, Marine Nicou, utilise cette littérature-là pour essayer de trouver des indices sur l'utilisation de ces étuves. Vous nous l'avez bien dit, tous ces termes de l'Antiquité disparaissent. Bien. Mais les étuves sont là au Moyen-Âge. On a tout de suite en tête tout ce qui concerne les hammams, tout l'Orient. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux ? Alors, il existe effectivement des hammams et qui sont restés aussi en activité dans la péninsule ibérique, lieu de contact entre les mondes arabo-islamiques et les mondes chrétiens. Donc, il y a sans doute des liens, mais on trouve également ces formes d'étuves dans des régions plus septentrionales qui n'ont pas été en contact avec le monde arabo-islamique. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le seul vecteur, peut-être en Méditerranée, mais il y a tout simplement l'Antiquité aussi, ou dans les termes, de toute façon, il y avait des espaces de sudation également, et qui permettaient, alors la fonction principale de la sudation, c'est d'extirper des pores de la peau, les impuretés qui sont à l'intérieur du corps. Donc c'est à la fois, effectivement, ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un élément de propreté, mais c'est surtout entendu comme un élément médical, c'est-à-dire que ça sort du corps tout ce qui pourrait se putréfier à l'intérieur et causer des maladies. Donc ça a une fonction véritablement en matière de régulation de la santé. Ouais, nous avons tout de suite en tête l'image de ces sublimes thermes de l'Antiquité, ces grands bâtiments. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on va trouver quelque chose d'aussi imposant ? On est dans un monde médical ici. Est-ce que, et ça c'est les sources qui peuvent le dire, et elles doivent être rares, sur l'usage même de ces étuves ? Alors, on trouve dans des textes, effectivement, les littéraires, des mentions de ces étuves, et comme je le disais, plutôt souvent pour la licence que permet la proximité des corps et que permet surtout le fait de se baigner dans hommes et femmes dans les mêmes lieux, hein, ou de se retrouver dans cette promiscuité de corps nus, tout comme l'image que l'on pouvait avoir parfois de ces bains minéraux, hein, de ces termes au sens premier, si je puis dire, du mot, ou si je reprends une lettre du Poge, qui se le fameux humaniste qui se rend dans les villes de Baden et qui critique en fait ces hommes et ces femmes qui prennent le bain dans une même piscine, là où en Italie on aurait divisé les piscines, les bassins pour les hommes ou pour les femmes, où ce qui se faisait aussi, c'est des jours pour les uns et des jours pour les autres. C'est le cas également dans les étuves, hein. On peut avoir des régulations où certains jours sont autorisés pour les hommes et d'autres le sont pour les femmes, pour éviter effectivement que ces bains ne soient des lieux de cette licence sexuelle. Mais ce qui peut peut-être expliquer que certaines eaux minérales soignaient particulièrement les problèmes de fécondité. On peut au moins se poser la question. Oui, voilà, bah oui, c'est vrai que s'il se passait des petites choses comme ça, ça pouvait soigner tous ces problèmes de fécondité, avec malgré tout, à travers la critique, la possibilité de voir une histoire genrée. Mais dès qu'il est question du corps, l'histoire est genrée. Critiquer le fait que des hommes et des femmes se baignent nus signifie que pour d'autres, c'était normal que des hommes et des femmes se baignent nus. À partir de cela, il y a une histoire aussi à écrire sur le rapport de l'autre corps, de l'autre sexe. Tout à fait. En fait, effectivement, ce que dit Le Poge, c'est quelque chose qui, pour lui semble totalement indécent, inconvenant. Mais il vient d'Italie et il vient d'un lieu où, effectivement, ces pratiques ne se font pas, ces pratiques sont interdites. D'ailleurs, certains sites s'appellent les bains des dames. Et c'est pas pour rien, je pense, que certains noms étaient donnés à certains lieux thermaux qui étaient peut-être réservés, effectivement, à la fois, surtout pour des raisons sans doute médicales, hein, d'eau qui était considérée comme soignant justement des problèmes de fertilité féminine, mais pas que, c'est-à-dire effectivement les pratiques balnéaires peuvent être différentes d'un endroit à un autre et lui cela le choque, alors que c'était manifestement courant dans d'autres espaces plus septentrionaux où à la fois la nudité, mais généralement on se baignait éventuellement avec un linge ou nu, mais surtout cette promiscuité des corps masculins et féminins. Dans les termes de l'Antiquité, il y avait aussi une promiscuité sociale. C'est-à-dire que c'était ouvert à tout le monde et tout le monde pouvait y aller. Est-ce que l'on sait si dans les étuves du Moyen-Âge, il y avait là aussi ce mélange social ? Alors je pense qu'il y avait effectivement une forme de mélange social, au moins dans certaines étuves, parce que je ne suis pas sûre que la fréquentation des étuves suivant les lieux était si chère que cela. Donc ça permettait sans doute à une partie des populations urbaines médiévales de fréquenter ces lieux de sociabilité et ces lieux de bain. Même si ça ne touche pas la totalité de la population, on n'est pas dans l'équivalent, je pense, traces de ce que l'on pouvait trouver pour les cités de l'Antiquité, où effectivement, dans le cadre aussi d'un évergétisme qui était aussi une marque des élites, hein, et de leur devoir, on va dire, au sein de la cité, l'ouverture des termes était beaucoup plus importante, je pense, qu'elle ne l'était à l'époque médiévale. Voilà, il n'y avait pas que du pain et des jeux, il y avait du pain, des bains et des jeux dans ce monde du Moyen-Âge qui nous intéresse beaucoup. De bons conseils pour prendre soin de soi et notamment aller se laver. Au Moyen-Âge, on se lave presque chaque jour, à la rivière, à la campagne, en ville dans des baquets de bois remplis d'eau très chaude. Aux vertus des bains, on ajoute celle des herbes dont on connaît parfaitement les propriétés. Ou bien on va au bain public. Sous Philippe Auguste, à Paris, on compte 26 étuves chauffées avec bains de vapeur. Quant aux toilettes publiques, elles existaient déjà dans les grandes villes. Les maisons privées, elles, avaient ce que l'on appelait des retraits, aux derniers étages, reliés à des canalisations spéciales. En 1982, la première chaîne de télévision française dans l'émission Quotidiennement Vôtre rappelle qu'on se lave tous les jours au Moyen-Âge. Alors Marilyn Nicou, quelle est là aussi la définition que l'on peut donner à se laver? On a parlé de la santé, on a parlé du corps, mais se laver, ça ne veut peut-être pas dire exactement la même chose aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Effectivement, alors se laver, c'est pas se laver automatiquement tous les jours, tout le corps, mais je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse non plus aujourd'hui. Donc c'est se laver certaines parties qui sont notamment des parties visibles, le visage, se nettoyer le nez, se nettoyer les dents, la bouche, se nettoyer les mains également, et prendre un bain, mais de manière plus échelonnée. Alors ça peut être une semaine, mais souvent peut-être un mois, voire plus, plus rarement également. Donc ce n'est pas une toilette de la totalité du corps. Et puis se laver, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avant tout nettoyer les impuretés pour des raisons médicales, pour garder cette santé qu'il est important de conserver. Donc on a des conseils qui nous donnent quelques informations sur cette toilette un petit peu limitée, mais qui malgré tout n'est pas inexistante. Ce qui signifie que la personne qui décide d'aller, ou qui décide de se laver le visage et le nez, a conscience que sa santé en dépend. Il a l'idée qu'il faut ôter ce qui pourrait conduire à quelque chose qui va pousser à la maladie. Donc faut vraiment déjà que l'idée même soit véhiculée. Comment les gens le savent? On leur dit, on leur raconte? Alors je suis pas sûre que tout le monde le savait. Comme aujourd'hui, vous avez raison. Mais je pense que le savaient effectivement ces élites sociales dont je parlais tout à l'heure et qui ont manifesté relativement tôt, à partir souvent les premiers témoignages des 11e, 12e siècles, ce souci du corps, ce souci de la santé, ce souci de ne pas simplement demander des conseils lorsqu'on était malade, mais également pour conserver cette santé. Et donc c'est à travers cette littérature de régimes de santé qui prennent la forme de petits traités, qui prennent la forme de lettres, qui, pour un certain nombre d'entre eux, en plus, véhiculent une sorte, si vous me permettez une expression assez contemporaine, de médecine un petit personnalisé au sens où on y trouve des informations sur le dédicataire du traité, signe que le médecin le connaissait et connaissait éventuellement ses habitudes ou ses goûts. Et bien cette littérature véhicule ses conseils en matière d'hygiène corporelle et donc souligne aussi cette l'importance qu'accordent ces médecins à l'idée que leur texte va servir à diffuser une sorte de pédagogie ou de savoir minimal. Il va falloir incorporer ces normes et les répéter de manière quotidienne afin de conserver la santé. Donc cette hygiène de vie, c'est quelque chose que l'on doit répéter, que l'on doit donc intérioriser en quelque sorte, de façon à être en capacité de réguler son propre corps et donc d'être un acteur de sa propre santé. Le prince et les médecins, pensée et culture médicale à Milan, c'est un de vos ouvrages, Marilyn Nicou, avec bien sûr le médecin qui a un rôle essentiel ici. C'est le médecin qui va conseiller le prince, le puissant ou les élites en disant voilà comment il faut faire. Et puis ces conseils sont également mis par écrit et diffusés. Grosse diffusion, c'est-à-dire que ce sont des textes que l'on va retrouver partout, comparer les uns les autres sans cesse enrichis. Alors, c'est une littérature quand même assez abondante, parce que si on la compare à une littérature qui est produite à l'université, c'est-à-dire notamment à toute la littérature scolastique, des commentaires aux textes des autorités qui étaient enseignés dans le cursus des études médicales, on a souvent conservé beaucoup plus d'exemplaires manuscrits des régimes de santé. En certains d'entre eux, on cite souvent le régime du corps, ou le livre de physique, comme je préfère l'appeler, d'Aldebrandin de Sienne, qui était un médecin d'origine siennoise installée en Champagne, qui au milieu du XIIIe siècle rédige un de ses premiers textes, d'ailleurs en langue vernaculaire. Il y a plus de 70 manuscrits qui ont été conservés de cette œuvre. Quelques décennies plus tard, le régime de santé que le médecin catalan Arnaud de Villeneuve, qui était professeur à Montpellier, rédige au tout début du XIVe siècle pour le roi d'Aragon Jacques II, lui aussi est diffusé en pratiquement le même nombre d'exemplaires. Donc là, on a une diffusion très importante. D'autres textes, c'est moins, mais c'est souvent autour d'une trentaine ou une quarantaine de manuscrits. Il y a eu également des traductions en langue vernaculaire de certains de ces textes. Le régime d'Aldebrandin a été traduit en latin. Donc pour lui assurer une diffusion également importante, parce que il faut souligner ici que le latin c'est un peu l'anglais du Moyen-Âge, hein, ça permet une diffusion au-delà des frontières des langues qui étaient utilisées communément dans les territoires de l'Europe. Et pour finir, on a à peu près plus d'une centaine de ces textes qui ont été rédigés entre en gros le début du XIIIe siècle et la fin du XVe, et ça se poursuit à l'époque moderne sous forme également d'éditions imprimées, d'incunables, et ensuite d'éditions au XVIe siècle. Donc c'est vraiment quand même, je pense, une des littératures avec les concilia médicaux qui sont des sortes de prescriptions médicales avant la lettre dans lesquelles on s'adressait à un praticien, c'était soit un confrère, soit un patient, s'adressait à un médecin de renom pour lui demander des conseils pour traiter une maladie particulière. C'est un petit peu la vidéo consultation du Moyen-Âge. Eh bien, ces concilia aussi ont été conservés en énormément d'exemplaires. Donc, ce sont les deux pendants, une médecine thérapeutique et une médecine préventive à vocation pratique, divulgative, assez pédagogique, et qui ont été, je pense, un des best-sellers de l'époque médiévale en matière de médecine. Mais ce qui se comprend, parce que la santé, c'est essentiel, hein. Sans la santé, rien ne va. Avec tous ces ouvrages, tous ces manuscrits qui sont diffusés en langue vernaculaire, c'est intéressant. C'est pas en latin, c'est lisible beaucoup plus facilement. Avec des lettres, oui, des lettres qui nous conduisent jusqu'à l'université de Bologne. Au matin, lorsque tu sors du lit, étends un peu tes membres, ce qui confortera ta nature et la chaleur naturelle dans tes membres. Lave tes mains et ton visage avec de l'eau froide et fraîche, car cela rend bonne et claire la couleur de ta peau. Nettoie tes narines et ta poitrine en te purgeant. Nettoie-toi les dents et les gencives avec de l'écorce d'arbre odoriférant. Habille-toi de beaux vêtements, parce que l'âme s'en réjouit. Et après manger, va dormir, parce que dormir facilite la digestion. Conseil de santé de la toute fin du XIIIe siècle avec la voix de Jeanne Copet. Marilyn Nicou, alors de quoi s'agit-il avec un tel document ? Là, on est sur une lettre. Alors, c'est compliqué toujours ce système de diffusion. C'est une lettre de particulier à particulier ou bien c'est une lettre destinée à être publiée ? Alors, c'est à l'origine une lettre qui a été sans doute adressée par le destinataire, qui n'est pas ici cité, qui s'appelle Corso Donati, qui est un membre des élites politiques florentines, et qui a dû adresser une lettre que l'on n'a pas conservée à Taddeo Alderotti, qui était à l'époque professeur à l'université de Bologne, qui était l'une des plus importantes universités de médecine de l'époque. Mais Taddeo est également florentin, donc il devait sans doute se connaître auparavant. Et on a conservé cette lettre, alors en version italienne, parce que à l'origine Taddeo a dû répondre en toscan à Corso Donati, et il a été également rédigé en latin, donc sans doute par le même Taddeo, pour une diffusion plus large, au-delà de ce premier destinataire auquel donc il s'adresse sur le ton. Il lui dit mon très cher ami, d'ailleurs ainsi commence la lettre, et lui donne des conseils organisés un petit peu selon le déroulement de la journées et des saisons. Et cette lettre, effectivement, sera diffusée dans une version italienne, mais surtout dans sa version latine, de manière beaucoup plus large. Donc il y a d'emblée, dans ces textes qui ont une vocation un petit peu personnalisée, une intention qui peut aussi s'étendre à un public un peu plus large. Alors évidemment, ça reste le public des lettrés du Moyen-Âge, de ceux qui sont capables de lire, de ceux aussi qui sont souvent capables d'avoir accès plus ou moins régulièrement à un médecin. Après, de quel médecin s'agit-il ? Ça peut être relativement différent, puisqu'il y avait un ensemble de praticiens très divers les uns des autres qui pratiquaient la médecine dans les cités médiévales. Mais les conseils qui sont donnés dans cette lettre vont dans le bon sens. Hein. Le matin, on se réveille, on étend un peu les membres, c'est-à-dire on s'étire, quoi. Et puis, faut suivre la journée, on se lave le visage, les mains à l'eau froide et fraîche. Enfin, tous ces conseils, on l'entend bien, s'ils sont écrits, c'est qu'il y a la nécessité de les écrire. Ce n'est pas une évidence, sinon on ne le ferait pas, on ne l'écrirait pas. Tout à fait. En fait, il y a, une double obligation, une double nécessité. Il y a d'une part, effectivement, celle qui consiste à répondre à une demande sociale de soins, une demande sociale de conseils, qui est liée aussi au développement, à l'apparition et au développement de cette médecine un petit peu savante, qui est liée, en fait, à la traduction à partir des 11e et 12e siècles de tout un corpus de textes jusqu'alors inconnu ou peu connu, et de l'Antiquité et du monde arabo-islamique, qui ont véritablement irradié, se sont diffusés assez rapidement dans le monde médiéval et ont été diffusés par le biais du développement de l'université, et ils ont intégré le curriculum des études, donc ce sont des textes que l'on enseignait et qui ont constitué, on va dire, le soubassement intellectuel d'une nouvelle médecine, qui est une médecine savante, fondée sur ces textes grecs et de langue arabe. Et donc ces médecins qui lettrés, cette élite lettrée dans la cité, eh bien diffusent effectivement de nouveaux conseils et surtout insistent sur cette nécessité de prévention de la santé. Donc ces textes, ces régimes répondent à cette demande sociale de soins, mais ils répondent donc à une double nécessité qui est aussi une nécessité impérieuse, on va dire, de l'art médical lui-même. Je disais au début de l'émission que la médecine ou la médecine médiévale et antique a une conception un petit peu holistique de la santé. Et a surtout l'idée aussi que la santé est un objet médical à part entière. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à l'art médical. Le corps en bonne santé, c'est aussi un objet sur lequel travaille le médecin. Et il travaille sur le fait de devoir conserver cette santé, tout simplement parce que les thérapies étaient incertaines, parce que certaines maladies sont incurables. Et donc, en fait, il y a véritablement une impérieuse nécessité à jouer aussi sur cette conservation de la santé. D'ailleurs, ce que dit Avicenne, qui est un médecin persan, dont le Canon, qui est un texte majeur de l'enseignement médical, a été traduit au XIIe siècle et s'est diffusé dans les universités, dit que l'objet de la médecine pratique, c'est véritablement de conserver la santé et de la retrouver pour tout corps qui est soignable, c'est-à-dire dans les limites d'une maladie qui pouvait être guérissable. Mais la conservation de la santé est aussi un objet médical à part entière. Avec ce personnage, Avicenne. Qu'est-ce que c'est ? Le monde. Le monde ? Regarde, nous sommes ici. Là, c'est Londres. Et là, c'est Isparan, le plus grand médecin que le monde connaisse enseigne ici. Avicenne, personne d'autre sur Terre ne peut égaler sa sagesse et ses connaissances. Avicenne. Avicenne, peut-il guérir le mal du côté ? Avicenne peut guérir beaucoup de maladies. Combien de temps faut-il pour s'y rendre ? Plus d'une année. Tu dois d'abord rejoindre le sud de l'Angleterre, puis traverser la Manche. Ensuite, traverser la France, longer les côtes africaines, pour arriver enfin en Égypte. Mais là, tu te fais tuer. Pourquoi ? Parce qu'à partir de là commence le monde musulman. L'Arabie, la Perse. Les chrétiens ont été totalement bannis. Seuls les juifs y sont tolérés. Je suis désolé de te le dire. Mais tu ne vénères pas le Dieu qu'il faut. Vision un peu pessimiste hein, dans ce film L'Oracle de Philippe Scholz en 2013 qui présente Avicenne. Oh là là, au lieu d'aller voir Avicenne, autant faire venir le livre, Marilyn Nicot. Non mais c'est vrai, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple et effectivement ça a été un franc succès hein, que le canon d'Avicenne qui donc a été connu et traduit en latin à Tolède par Gérard de Crémone, originaire lui-même d'Italie, venu à Tolède pour l'amour de l'Almageste de Ptolémée qui s'est mis à apprendre l'arabe et à traduire avec un certain nombre d'élèves et ce livre donc qui est une encyclopédie en fait médicale qui avait le et ça assure certainement le succès rapide sur lequel a travaillé récemment Joël Chandelier, c'est cette capacité de rassembler dans un seul livre, enfin 5 volumes, l'ensemble du savoir médical, là, alors qu'il était éparpillé, on va dire, dans un certain nombre de textes, aussi bien hippocratiques que galéniques en particulier. Et donc, dès le début du XIIIe siècle, voire la fin du XIIe, ce texte fait son apparition, se diffuse en particulier en Italie et va devenir le texte majeur hein, de l'enseignement. On le connaît par les cursus des études. On a conservé pour certaines universités la liste des autorités qu'il fallait avoir lues en fonction des années d'études. Et le canon est partout présent, aussi bien à Paris, à Bologne, à Pavie, donc c'est devenu véritablement, et ce jusqu'à au-delà du Moyen-Âge, hein, un texte absolument majeur de la connaissance et de l'apprentissage de l'art médical. Est-ce que cela change radicalement la manière de percevoir le corps, le fonctionnement du corps, et donc la manière de rester en bonne santé ? Tout à fait, parce qu'en fait, on trouve dans ce texte, alors il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul texte évidemment qui était enseigné, puisqu'on trouvait également un certain nombre d'ouvrages des corpus galéniques ou encore d'autres auteurs de langue arabe. Je pense notamment à une autre encyclopédie, le Liber ad Almanzorem de Razès ou le Pantegni d'Ali Abbas. Ces textes-là produisent un nouveau savoir sur le corps. Il y a des aspects qui traitent évidemment de la physiologie, donc de l'ensemble des choses naturelles, hein, que sont les esprits, les humeurs, toutes les différentes parties du corps. Donc il y a des parties anatomiques également. Il y a des traitements thérapeutiques avec l'appréhension des maladies en fonction des organes affectés dans le corps. Donc généralement, la progression va de la tête jusqu'aux pieds, plus des maladies plus générales, que sont les fièvres par exemple, et en particulier aussi les fièvres pestilentielles. Donc il y a un profond renouvellement des savoirs médicaux au point qu'on ne lit plus les textes des décennies précédentes. On va dire il y a une vraie révolution épistémologique de la médecine qui est profonde en fait. Et dans la manière de préparer son corps pour éviter qu'il ne soit malade, alors là on l'a bien dit hein, depuis le début de l'émission, mais étuve, bain ou alors se laver le visage, s'étirer, est-ce que l'on va retrouver des changements majeurs ? Mais parce que tout ce que l'on dit là, j'ai pas envie de dire que c'est du bon sens, hein, parce que rien n'est bon sens, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans une longue histoire du soin de soi. Tout à fait. De toute façon, ce savoir également d'origine arabe, lui-même a puisé ses origines et ses connaissances en partie dans la littérature grecque, puisque c'est par ce biais-là qu'on a connu aussi les ouvrages hippocratiques ou les ouvrages galéniques. Je ne cite pas automatiquement d'autres auteurs de l'Antiquité auxquels on pourrait penser, mais qui souvent ont été connus plus tard à l'époque médiévale. Donc ce sont vraiment Hippocrate et Galien en particulier qui ont constitué le soubassement de ces autorités arabes. Donc il n'est pas étonnant d'y retrouver un certain nombre d'éléments. Ce qui est transformé en partie dans la pensée arabo-islamique, c'est qu'elle est un peu systématique. C'est-à-dire, c'est cette manière de ranger, d'organiser le savoir qui, je pense, face à une profusion de textes, Galien a écrit de multiples textes, donc il fallait aller chercher à droite et à gauche pour trouver des informations. Là, vous avez dans un même ensemble tout le savoir ordonné et de manière très rationnelle. Et donc je pense que c'est ça aussi qui a assuré le succès de ce savoir-là, mais bien évidemment, on retrouvera des éléments déjà présents dans le corpus hippocratique qui, par exemple, soulignait l'importance d'associer exercice et alimentation, hein, puisqu'il faut toujours, dans l'équilibre de la santé, ingérer, mais pas trop, et pouvoir expulser les matières superflues du corps. Donc il faut toujours un équilibre entre l'exercice qui permet cette évacuation par le biais notamment de la sueur, hein, notamment, et puis le fait de savoir ingérer en fonction de sa consistance, en fonction surtout de sa complexion naturelle, les aliments qui étaient le plus conformes pour la conserver. Donc, bien évidemment, les règles ne changent pas, les fondements ne changent pas, mais l'organisation systématique, lui, joue un grand rôle. Avec cette grande attention portée à ce que l'on doit manger. Il faut veiller avec beaucoup de soin à ce que le lard, les viandes séchées ou salées, le vinaigre, la piquette, le vin cuit, la moutarde, le fromage, le beurre, le mou, la bière, l'hydromel, le miel, le cidre, soient faits et préparés avec la plus extrême propreté. Que personne ne foule la vendange avec les pieds. Il y aura toujours auprès des écuries de nos fermes principales au moins 100 poules et 30 oies. S'il y a des poules ou des œufs en trop, vous aurez soin de les faire vendre. On doit veiller à ce qu'il y ait dans les jardins toute espèce de plantes, des lys, des roses, de la sauge, des concombres, des melons, des citrouilles, des pois chiches d'Italie, du romarin, de l'anis, de la coloquinte, des laitues, du persil, de la chicorée, de la menthe, des pavots, des betteraves, des choux, des mauves, des radis, des fèves, des oignons, de l'ail, du cerfeuil. Dans les vergers, pommiers et poiriers, des châtaigniers, des amandiers, des pêchers, des cognassiers, des lauriers, des mûriers, des noyers, des figuiers, des cerisiers. Les capitulaires, Charlemagne. Les capitulaires Charlemagne. Ah, nous remontons haut dans le cabinet des curiosités sur France Culture en 1997. Marie-Line Nicou, là aussi, se manger, les bons conseils, que manger, ça fait partie, de ce que l'on évoque depuis tout à l'heure. C'est comment bien se comporter pour ne pas tomber malade. Alors, la partie, effectivement, de l'alimentation est devenue majeure, on va dire, l'économie de l'écriture des régimes de santé à partir souvent du 14e siècle. On voit bien qu'il y a une focalisation du discours médical sur ce qu'il faut savoir manger de façon à s'alimenter, comme je le disais, conformément à sa complexion naturelle. Donc, si vous êtes colérique, c'est-à-dire chaud et sec, il faut manger des aliments de même nature, à moins que vous ne soyez trop colérique. Et à ce moment-là, il faut manger des aliments contraires. Donc, ça veut dire que chaque produit, hein, qu'il soit végétal ou animal, a lui-même une complexion naturelle. Et donc, c'est le savoir du médecin que de savoir à la fois quelle est votre complexion pour pouvoir vous conseiller et quelle est la complexion des aliments pour vous les recommander. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une adéquation progressive aussi entre ce savoir médical et les évolutions des habitudes alimentaires contemporaines, c'est-à-dire que ces régimes font de plus en plus souvent écho aussi de produits que l'on ne trouvait peut-être pas auparavant, qui sont à la fois, par exemple, des produits d'importation ou des produits qui sont désormais cultivés. Je pense en particulier aux oranges ou aux citrons, aux oranges amères et aux citrons, hein, que l'on trouve cultivés au Moyen-Âge dans certains espaces de l'Italie puis de la Provence et qui apparaissent sur les tables, alors évidemment des plus riches, hein, puisque ce sont des aliments qui sont chers. On peut évoquer aussi les fameuses pâtes alimentaires également, hein, qui elles aussi font l'objet de textes, enfin de chapitres dans les traités de médecine, pour évoquer parfois d'ailleurs la grande variété de pâtes que l'on pouvait consommer. Elles ont même des noms, hein, d'origine doc, si je puis dire, avant la lettre. Et donc en fait, dans ces régimes, la part consacrée à l'alimentation devient importante au point parfois de voir se constituer des sortes de dictionnaires alimentaires, c'est-à-dire une organisation en fait du régime selon les différents produits rangés par ordre alphabétique. Et ce qui change un petit peu la perception de ces régimes, qui jusqu'alors étaient souvent assez normatifs, on l'a vu dans la lettre que vous avez citée de Taddeo Alderotti, hein, c'est « fais ceci, fais cela » ou « ne fais pas ceci » ou « cela ». Et là, on trouve en revanche dans ces catalogues l'idée de diffuser un savoir libre ensuite au lecteur de décider ce qu'il faudra faire ou ce qu'il voudra faire en fonction de ce savoir. Donc on le mettra en garde, certes, contre certains dangers, mais ensuite c'est sa responsabilité. Donc c'est une manière peut-être, là aussi, peut-être je réutilise des concepts plus contemporains, mais d'éduquer, hein, une forme d'éducation alimentaire avant la lettre, en diffusant un savoir accessible et en responsabilisant finalement finalement les lecteurs vis-à-vis de leurs habitudes alimentaires. Et l'individu est pris en compte et il y a un choix. On va peut-être pas parler de libre arbitre déjà, mais enfin, on trouve ici quand même l'amorce, la personne à disposition. Bah, si vous nous avez dit, Marilyn Nicou, s'il est colérique, qu'est-ce qu'il doit manger pour se calmer un peu Alors, certainement pas d'ail ou certainement pas d'aliments qui soient trop chauds et trop secs. Donc, plutôt des poissons, par exemple, hein, qui vont refroidir en partie sa complexion naturelle. Donc, il y a l'idée toujours que la santé est un équilibre instable qu'il faut savoir conserver par l'ensemble de ces choses non naturelles sur lesquelles le médecin agit par ses conseils. Mais en revanche, ceux qui agissent au quotidien dans ces pratiques de santé, ce sont les patients eux-mêmes, ce sont les lecteurs eux-mêmes, c'est pas le médecin. Et donc, à ce titre-là, ils sont des acteurs de leur santé et de la régulation de leur propre comportement. Vous savez quoi, c'est Alexandre Manzanares qui réalise cette émission, Le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Noé Chaban. Et Alexandre a mangé trop d'aubergines. Maître Thaddée, tenant leçon de médecine devant ses élèves, révéla que quiconque mangerait 9 jours d'affilée des aubergines deviendrait fou. Et il le prouvait par la physique. Un des élèves, entendant ce chapitre, se proposa d'en faire l'expérience. Il se mit à manger des aubergines et au bout de 9 jours, il se présenta au maître et dit « Maître, ce chapitre que vous avez exposé ne dit pas vrai, car j'en ai fait l'expérience et je ne suis pas fou. » Et sur ce, il se leva et montra son cul. « Écrivez, dit le maître, que tout cela est l'effet de l'aubergine et qu'on en a eu la preuve, qu'il en soit donc fait une nouvelle glose. » Voilà, une lecture par Alexandre Manzanares. Alors là, nous nous trouvons dans un monde toscan, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. De quoi s'agit-il, Marilyn Nicou, avec ses aubergines? Alors, c'est surtout une manière de se moquer de Maître Taddeo Alderotti dans ce Novellino Toscan, donc un recueil de nouvelles en toscan qui relate une leçon de médecine, donc une manière aussi de commenter sans doute un des textes que Taddeo Alderotti a enseigné, puisqu'en on a conservé de lui un certain nombre de commentaires, donc il avait dû dire dans une leçon précédente effectivement que manger trop d'aubergines devait nuire à la santé, et donc là c'est une manière de renverser le point de vue avec un de ses élèves qui en fait un peu à ses dépens la démonstration. Donc c'est aussi peut-être une manière qu'avait on a quelques échos plus tardivement, si l'on pense par exemple à toutes les diatribes de Pétrarque à l'encontre des médecins. Cette manière effectivement de vouloir à tout prix dire le vrai, réguler les corps, imposer un gouvernement de soi par le biais d'un savoir médical, c'était à la fois, je le disais au début, une demande sociale bien sûr, mais on peut imaginer à quel point si vous devez suivre ces conseils parfois de manière quotidienne et que vous êtes de toute façon en bonne santé, ça devait par moments de toute façon exaspérer certains ou ne pas être trop supportable. Donc c'est aussi une manière de se moquer de la pédanterie et de cette prétention que pouvaient avoir certains médecins à tout savoir. Pétrarque s'en moque souvent en disant que les médecins interdisent les choses les plus belles et les meilleures à manger et que finalement, quand on ne suit pas leur conseil, on reste malgré tout en bonne santé. Donc je pense qu'il y a toujours une tension en fait entre cette prétention médicale à vouloir réguler les corps, à vouloir gouverner les corps et les destinataires, surtout quand ils sont déjà en bonne santé, que finalement, même s'ils ne mangent pas très bien, ils ne sont pas toujours malades. Mais oui, parce que voilà, le principal aussi, pour certains, c'est, ils ont raison, c'est de se faire plaisir dans cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui, les bons conseils du Moyen-Âge pour être en bonne santé. Marilyn Nicou, dans cette réflexion, il y a un mot qui revient, alors régime. Je voudrais une précision pour pas que l'on confonde tout, parce que il y a le régime alimentaire, savoir ce que l'on doit manger pour être en bonne santé, et puis il y a cette notion de régime de santé que vous avez utilisé. Quelle est la différence entre les deux ? En fait, le régime de santé, c'est une acception plus large du régime proprement alimentaire que l'on pourrait qualifier de diète. Mais le terme diète est lui aussi polysémique, puisque la diète, c'est à la fois, ou la diététique, c'est à la fois la diète alimentaire et l'ensemble de ces paramètres non naturels que l'on régule. Donc le terme de régime de santé renvoie véritablement, d'une part, à cette littérature donc diffusée à partir du XIIIe siècle et largement répandue, qui est destinée donc à diffuser des règles ou des conseils pour rester en bonne santé. Et c'est en même temps un régime à suivre, un gouvernement du corps au sens même politique. Hein, c'est un art de se gouverner. D'ailleurs, c'est emprunté au vocabulaire que l'on retrouvera dans les textes des Miroirs des Princes, par exemple. C'est exactement la même chose. Les Miroirs des Princes donnent des conseils aussi de bon gouvernement à ceux qui se destinent à gouverner. Et pour pouvoir gouverner les autres, il faut savoir se gouverner soi-même. De la même manière, les régimes de santé donnent aussi des conseils pour savoir se gouverner soi-même en matière de santé. Mais pourquoi pas savoir aussi bien gérer le ravitaillement des villes ou le ravitaillement des États qui sont sous le gouvernement des princes. C'est une histoire sociale également. Si nous prenons le cas de la viande c'est complexe parce qu'il ne faut pas trop en manger, mais la viande est aussi un signe social très fort parce qu'avoir beaucoup de viande à table, c'est montrer son opulence. Et puis même avoir un gros bidou, ça veut dire que bah, tout va bien dans la vie. Moi, je suis riche et je n'ai pas faim. Enfin, il y a des contradictions aussi dans cette histoire. Il y a des contradictions et il y a des évolutions à la fois. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on prend l'exemple des viandes que vous citiez, on ne mange pas automatiquement les mêmes viandes à l'époque féodale de ce que l'on mangera à la fin du Moyen-Âge. Donc on reste dans le chapitre des viandes, mais ce ne seront plus automatiquement les grandes venaisons, sangliers, on retrouvera encore des cerfs. Mais dans l'ensemble, l'alimentation se portera beaucoup plus notamment dans les régimes italiens qui s'adresse à des princes de l'Italie de la Renaissance, sur les oiseaux. Les oiseaux, c'est-à-dire des chairs délicates, des chairs blanches plutôt que des chairs rouges. Et l'oiseau deviendra un symbole, effectivement, de social, un symbole de distinction des classes sociales, mais sera en même temps recommandé dans le discours médical. Donc on va retrouver une manière d'adéquation, on va dire, entre les pratiques sociales et les pratiques en particulier des élites et les recommandations médicales. Alors, je ne dirais pas que les médecins sont des suiveurs, mais à certains égards, ils ont une tendance aussi très forte à adapter malgré tout leurs recommandations à ces pratiques et à proposer de plus en plus souvent à opposer à un discours de la norme qui était peut-être celui des premiers régimes au XIIe, XIIIe siècle. On sent dans le vocabulaire ou les formulations qu'il y a de l'injonction. À plus plutôt un discours, on va dire, du conseil, de la recommandation, une manière aussi de proposer des amendements, des corrections à ces aliments qui pourraient être préjudiciables pour la santé, mais avec une bonne préparation, avec quelques sauces, avec une bonne cuisson adaptée, c'est une manière aussi de faciliter leur digestion, en fait, donc puisque la digestion est une cuisson des aliments à l'intérieur du corps. Et donc, du côté du discours médical, on va se rapprocher d'un discours où le plaisir n'est plus complètement rejeté, ne serait-ce que parce que ce qui se mange par plaisir, pour peu que ce soit en maigre quantité, si je puis dire, se digère mieux que ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est bien, faut le rappeler sans cesse. Faut manger avec plaisir et que des choses qui nous font plaisir, mais avec beaucoup de modération, des conseils d'hygiène, des conseils d'alimentation. Marilyn Nicou, à quel moment voit-on tous ces conseils médiévaux, en tout cas toutes ces conceptions, ces régimes de santé du Moyen-Âge être remis en cause ? Alors on les verra remis en cause plus tard. Alors cette littérature des régimes continue encore à l'époque moderne. Il y a un renouvellement des auteurs souvent. Les auteurs médiévaux sont à peu près continuent à être diffusés sous forme imprimée. On va dire jusqu'aux années 1530, 1540. Après, il y a un changement générationnel, si je puis dire. Donc, on change d'auteur. Mais le fondement du discours ne change pas. Il changera plus tardivement dans le courant du XVIIIe siècle. D'abord, déjà en mettant moins l'accent peut-être sur les aspects alimentaires que ce qu'on trouvait à l'époque médiévale. Et ça a déjà commencé dès le XVIe siècle. L'air devient un élément sur lequel les régimes de l'époque moderne insiste beaucoup plus, alors sans doute en lien également avec la peste, hein, dont on considère que c'est un air putréfié qui est responsable des épidémies qui se poursuivent à l'époque moderne. Mais donc les parties alimentaires disparaissent progressivement et surtout les conceptions médicales changent avec une perception plus chimique des processus digestifs. Donc il y a le renouvellement des connaissances médicales qui va transformer les régimes. Mais cette littérature a quand même une très longue durée de vie, hein, puisqu'on en trouve évidemment aussi des exemples, je ne l'ai peut-être pas dit, dans l'Antiquité, où on a un certain nombre de régimes qui ont été conservés, une discontinuité dans le haut Moyen-Âge et une grande floraison à l'époque médiévale et encore à l'époque moderne. Vous les suivez vous-même, Marilyn Nicou, ces conseils ? Eh bien, si vous me regardez, je vous dirai que non. Bah si, moi je vous trouve en super bonne santé. Si, je vous trouve en super bonne santé. Vous êtes professeur des universités en histoire médiévale à l'université d'Avignon. Souffrir, soigner, guérir, les patients et leurs médecins du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. C'est publié chez Vendémiaire, hein, que vous avez dirigé cet ouvrage-là. Avec, mais beaucoup de choses à apprendre. Et ce qui est fascinant, c'est de voir combien il y a des formes de continuité. Et s'il y en a une essentielle, c'est conserver la santé. On voit bien que ça, c'est vraiment le souci du passé aujourd'hui. Merci vivement à vous de tous ces bons conseils. Me voici beau jouvenceau grâce à vous. Merci à vous. On retrouve un autre très beau jouvenceau, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment la Cerdagne est devenue française ? Lors du traité des Pyrénées, signé en 1659 avec l'Espagne, la France a annexé le Roussillon et 33 villages du comté de Cerdagne, qu'on appelle aujourd'hui la Haute-Cerdagne, alors que la Basse-Cerdagne est restée espagnole. Étant donné que cette petite région avait disposé jusque-là d'une très forte autonomie administrative et culturelle, les autorités étatiques de cette époque imposèrent à la population locale une frontière complètement artificielle, mais qui a fini par s'imposer dans les pratiques et également dans le cerveau des habitants. L'historien Peter Schallins a mobilisé les outils de la micro-histoire pour tenter de comprendre pourquoi et comment ces identités nationales, françaises d'un côté, espagnoles de l'autre, s'étaient imposées au fil du temps. L'intérêt de cette démarche tient au fait qu'au lieu d'étudier l'histoire des frontières par en haut, comme le font les historiens des relations internationales, Schallins l'a examinée par en bas, en montrant comment les intérêts locaux et les normes étatiques s'étaient conjugués, imbriqués, opposés au cours du temps pour enraciner cette frontière dans les pratiques et dans les têtes des habitants des deux Cerdagnes. Pour comprendre comment nous avons intériorisé notre appartenance nationale, il ne suffit pas d'analyser les décisions politiques prises par le pouvoir central. Il faut aussi s'interroger sur la manière dont les citoyens se les approprient. Peter Schallins a noté que la mise en place de la frontière étatique n'a pas mis fin aux liens étroits entre les habitants des deux Cerdagnes. Ils parlaient la même langue, fréquentaient les mêmes pèlerinages, possédaient parfois des biens des deux côtés de la frontière, et ils trouvaient souvent leurs conjoints de l'autre côté de la frontière. Il a constaté aussi que les habitants de ces 33 villages résistèrent longtemps aux obligations que voulait leur imposer l'État français. Il a retrouvé dans les archives de nombreux exemples de mauvais payeurs d'impôts, de déserteurs refusant l'enrôlement dans les armées royales, de contrebandiers se heurtant fréquemment aux autorités locales. Et pourtant, dans le même temps, il n'était pas rare que ces Cerdans mettent en avant leur nationalité française pour obtenir l'appui des autorités royales lorsqu'ils en avaient besoin pour régler des conflits locaux. Ces exemples montrent l'usage stratégique que ces paysans faisaient de leur nationalité. Elle était à la fois l'expression d'une affiliation au royaume de France et un moyen de se différencier de leurs plus proches voisins lors des conflits concernant les pâturages, les communaux ou le contrôle de l'eau. C'est de cette manière que les intérêts locaux furent progressivement pris dans le processus de nationalisation des identités. Cette appropriation locale de la frontière eut des effets sur son tracé définitif fixé lors du traité de Bayonne signé en 1868. les négociateurs français et espagnols durent tenir compte, en effet, des habitudes et des doléances des communautés villageoises de Cerdagne pour fixer le tracé d'une frontière entérinant l'état d'équilibre historiquement construit entre les communautés locales. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par des damoiselles, des damoiseaux, Alexandre Manzanares, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Maïwenn Guizhou. Merci à Véronique Jolivet de l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.